Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cheikh Al-Othaymin dit, Rahimahullah, la troisième assise sur le jugement du jeûne de Ramadan. Louange à Allah, celui à qui nul ne peut empêcher ce qu'il donne et nul ne peut donner ce qu'il retire. Ceux qui agissent dans son obéissance auront le meilleur gain et les pieux qui le craignent ont la plus haute lignée. Il a préparé les cœurs de ses alliés à la foi et l'a inscrite. Il leur a facilité toute difficulté dans le chemin de son obéissance, si bien qu'ils n'ont trouvé aucune fatigue dans la voie de son service. Il a décrété le malheur sur les malheureux lorsqu'ils se sont détournés, c'est-à-dire les koufars, et qu'ils sont tombés dans la perdition. Ils se sont détournés de lui, l'ont renié, alors il les a fait entrer dans un feu ardent. Je le loue pour ce qu'il nous a accordé comme faveur et don, et j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé, lui qui mit en déroute les coalisés et vainquit, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, celui qu'Allah élu et choisi. Qu'Allah le vante ainsi que son compagnon Abu Bakr, le supérieur en vertu et en rang, Omar, devant qui le diable s'enfuit, Othman, le détenteur des deux lumières, les deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le pieux, le pur, le noble, Ali, son gendre et cousin par la lignée, et le reste de ses compagnons qui acquirent dans la religion les plus hautes fiertés, ceux qui les suivirent avec excellence tant que les astres se lèvent et se couchent, et qu'Allah les préserve. Mes frères, le jeûne de Ramadan est l'un des piliers de l'islam et l'un de ses fondements grandioses. Allah Azza wa Jal dit « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum assiyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqoon ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa ala alladhina yutiquunahu fidyatum ta'amu miskin faman tatawwa'a khayran fahuwa khayrun lah » وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Il sera accompli durant un nombre déterminé de jours. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Et pour ceux qui peuvent jeûner, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est mieux pour lui. Mais il est préférable pour vous de jeûner si vous saviez. Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, est preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous témoigne de ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous complétiez le nombre de jours et que vous glorifiez Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Bunya l'islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah, wa iqami salati, wa ita'i zakati, wa hajji al-bayt, wa sawmi ramadan ». L'islam est bâti sur cinq piliers, le témoignage qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la salah, la prière, le versement de la zakah, le pèlerinage à la maison, c'est-à-dire la Kaaba, et le jeûne de Ramadan. Muttafaqun alayh. Et dans la version de Muslim, Sawmi Ramadan wa Hajj al-Bayt. Le jeûne de Ramadan et le pèlerinage de la maison. Les musulmans sont unanimes quant au caractère obligatoire du jeûne de Ramadan, un consensus connu nécessairement comme faisant partie de la religion de l'islam. Quiconque nie son obligation est mécréant. Il doit être invité à se repentir, s'il se repent et reconnaît son obligation, sinon il est exécuté en tant que mécréant apostat de l'islam. On ne le lave pas, on ne lui met pas de linceul, on ne prie pas sur lui, on n'invoque pas la miséricorde pour lui et on ne l'enterre pas dans les cimetières des musulmans. On creuse plutôt une fosse à l'écart pour l'enterrer, afin qu'il n'incommode pas les gens par son odeur et que ses proches ne soient pas attristés par sa vue. Le jeûne de Ramadan fut prescrit la deuxième année de la Hijra. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûna ainsi 9 années. Le jeûne fut imposé en 2 étapes. La première étape, le choix entre le jeûne et le fait de nourrir un pauvre, avec une préférence pour le jeûne. La seconde étape, l'imposition du jeûne sans possibilité de choix. Dans les deux recueils authentiques d'après Salamat ibn al-Aqwa' radiyallahu anhu, qui a dit, lorsque fut révélé, وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ, et pour ceux qui peuvent jeûner, il y aura une et qui ne le font pas, il y aura une compensation de nourrir un pauvre. Celui qui voulait rompre son jeûne et payer la compensation le faisait, jusqu'à ce que le verset suivant fût révélé et l'abrogea. c'est-à-dire sa parole, Azza wa Jal, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ, celui qui témoigne de ce mois, qu'il jeûne. Donc Allah a ordonné de jeûner. وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ, et celui qui est malade ou en voyage, il jeûnera un nombre équivalent de jours. Allah imposa alors le jeûne à chacun, sans choix. Donc au début de l'islam, les musulmans pouvaient jeûner, et c'était meilleur pour eux, ou nourrir un pauvre et ne pas jeûner. Pour chaque journée qu'ils ne jeûnaient pas, ils nourrissaient un pauvre. Donc c'est comme ça qu'on comprend la aya, وَعَلَلَّذِينَ يُتِيقُونَهُ, et ceux qui le peuvent, qui peuvent jeûner, فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ, il y a la compensation de nourrir un pauvre. Et Ibn Abbas radiallahu anhuma est d'avis que le verset n'est pas abrogé, et qu'il reste applicable pour le vieux et la vieille, qui ont du mal à jeûner et qui nourrissent un pauvre pour chaque jour qu'ils ne jeûnent pas. Et Ibn Abbas récitait cette ayah, وَعَلَلَّذِينَ يُتَوَّقُونَ, c'est-à-dire يَتَكَلَّفُونَ سَوْمَ, c'est-à-dire pour ceux qui ont des difficultés à jeûner, pour ceux qui se surchargent pour jeûner. Et avec notre récitation, يُتِيقُونَهُ, qui le peuvent, le sens est d'après la parole d'Ibn Abbas, يُتِيقُونَهُ بِمَشَقَّةٍ, c'est-à-dire qu'ils le peuvent avec difficulté. Et c'est comme ça que ça a été traduit dans la traduction connue saoudienne. Le cheikh dit ensuite, le jeûne n'est obligatoire qu'une fois l'entrée du mois confirmée. On ne jeûne pas avant le début du mois, selon la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. Que nul d'entre vous ne devance Ramadan par un jeûne d'un ou deux jours, sauf s'il s'agit d'une habitude de jeûne qu'il pratiquait, dans ce cas qu'il jeûne ce jour, rapporté par Al-Bukhari. L'entrée du mois de Ramadan est confirmée par l'une des deux choses. Premièrement, l'observation du croissant de lune, Al-Hilal. En arabe, Al-Hilal, c'est ce qu'on voit, la lune, lorsque c'est le premier, le deuxième et le troisième jour du mois lunaire. On appelle Al-Hilal, et ensuite on appelle Al-Qamar. Selon sa parole, Azza wa Jal, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ, donc celui qui voit parmi vous ce mois, qu'il jeûne. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا رَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُ, si vous voyez le croissant, al-hilal, jeûnez. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, il n'est pas requis que chaque individu le voit lui-même. Si une personne dont le témoignage confirme l'entrée du mois l'a vu, le jeûne devient obligatoire pour tous. Pour que les témoignages de l'observation soient acceptés, le témoin doit être pubère, doué de raison, muslim, et digne de confiance pour sa probité et sa vue. Quant à l'enfant, le mois n'est pas confirmé par son témoignage, car il n'est pas de confiance. Et le fou l'est encore moins. Le mécréant ne peut également pas confirmer le mois par son témoignage, selon le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qu'un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit « J'ai vu le croissant », c'est-à-dire du mois de Ramadan. Il demanda « Témoignes-tu qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah ?» Il répondit « Oui ». Il dit « Témoignes-tu que Mohammed est le messager d'Allah ?» Il répondit « Oui ». Il dit « Bilal, annonce aux gens de jeûner demain », rapporté par les sept sauf Ahmed. Et Cheikh Al-Albani a affaibli le hadith. Celui dont la parole n'inspire pas confiance, comme celui qui est connu pour mentir ou se précipiter ou sa mauvaise vue qui l'empêcherait de le voir, son témoignage ne confirme pas le mois, par doute sur sa véracité ou prépondérance du mensonge. L'entrée du mois de Ramadan est confirmée spécialement par le témoignage d'un seul homme, selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma, qui a dit « Les gens cherchèrent à voir le croissant. J'informai le prophète sallallahu alayhi wa sallam que je l'avais vu. Il jeûna alors et ordonna aux gens de jeûner », rapporté par Abu Daoud et Al-Hakim, qui a dit « Selon les conditions de muslim ». Sahih, selon les conditions de muslim. Et Cheikh Al-Albani l'a authentifié. Celui qui est certain de l'avoir vu a obligation d'informer les gouverneurs de cela, tout comme pour le croissant de Shawwal ou Dhul-Hijja, car il en dépend l'obligation du jeûne, de la rupture ou du pèlerinage, du hajj. Et ce sans quoi l'obligation ne peut être accomplie est lui-même obligatoire. S'il l'a vu seul dans un lieu éloigné où il ne peut informer les gouverneurs, il jeûne et s'efforce de faire parvenir l'information aux autorités autant qu'il peut. Si l'entrée du mois est annoncée par le gouvernement, à la radio ou autre, il est obligatoire d'agir en conséquence pour le début et la fin du mois, que ce soit pour Ramadan ou autre. Car son annonce par le gouvernement est une preuve légale sur laquelle on doit agir. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Bilal d'annoncer aux gens l'entrée du mois, pour qu'ils jeûnent quand elle fut confirmée auprès de lui. Et il a rendu cette annonce une obligation pour eux de jeûner. Une fois que l'entrée du mois est confirmée légalement, les positions de la lune n'ont plus d'importance, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié le jugement à la vision du croissant, non à ses positions. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْتِرُوا. Si vous voyez le croissant, jeûnez, et si vous le voyez, rompez votre jeûne. C'est-à-dire le croissant du mois de Shawwal, du mois après Ramadan. متفق عليه. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, in shahida shahidani muslimani fasumu wa aftiru. Si deux témoins musulmans attestent de la vision, jeûnez et rompez votre jeûne. Rapporté par Ahmed et authentifié par Sheikh Al-Albani. Le second aspect, par lequel on confirme l'entrée du mois et l'achèvement du mois précédent par 30 jours. Car le mois lunaire ne peut excéder 30 jours ni être inférieur à 29 jours. Il se peut qu'il y ait 2, 3 ou 4 mois consécutifs de 30 jours, ou 2, 3 ou 4 mois de 29 jours. Mais la règle générale est 1 ou 2 mois complets, et le troisième est incomplet. C'est-à-dire 2 mois de 30 jours et 1 de 29. Dès que le mois précédent atteint 30 jours, l'entrée du mois suivant est légalement confirmée, même si le croissant n'est pas vu. Selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Soumou li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in rummiya alaykum ash-shahru fa'uddu 30 » Jeûnez à sa vision et rompez le jeûne à sa vision, et si le mois est obscurci pour vous, d'ailleurs par les nuages, complété à 30 jours, rapporté par un musulman. Et dans la version d'Al-Bukhari, « فَإِنْ رُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ » S'il vous est obscurci, complétez le compte de Sha'ban à 30. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée du 29 Sha'ban, on regarde si on voit le Hilal. Et c'est la nuit du 30, car la nuit est avant la journée. Et si on ne peut pas voir à cause des nuages, que le ciel est nuageux, alors on considère que Sha'ban est 30 jours. Il dit ensuite dans le Sahih d'Ibn Khuzaymah, d'après Aïcha radiallahu anha, qui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus attentif à l'observation de Sha'ban qu'à tout autre, puis il jeûnait à la vision de Ramadan. S'il était obscurci, il comptait 30 jours puis jeûnait. Également rapporté par Abu Daoud et Ad-Darqutni qui l'a authentifié. Et Sheikh Al-Albani également l'a authentifié. Par ces hadiths, il est clair que l'on ne jeûne pas Ramadan avant la vision de son croissant. Si le croissant n'est pas vu, on complète Sha'ban à 30 jours. On ne jeûne pas le jour du doute, qui est considéré le 30e, comme on avait avant, que la nuit soit claire ou nuageuse. Selon la parole de Ammar ibn Yasir radiyallahu an, man sama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque jeûne le jour où l'on doute a désobéi à Abul Qasim. Rapporté par Abu Daoud al-Tirmidhi et al-Nasa'i et mentionné par al-Bukhari en ta'liq, c'est-à-dire suspendu, quand il n'y a pas la chaîne de transmission, une partie ou toute la chaîne entre al-Bukhari et celui sur lequel il a suspendu. Ce qu'on appelle le hadith mu'allaq. Et c'est une cause de faiblesse, car on ne sait pas la chaîne de transmission. Donc Al-Bukhari rapporte beaucoup, surtout des athars, de sahaba ou autres parmi les salafs, et parfois du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mu'allaq. Et donc ça n'a pas le jugement du fait que c'est rapporté par Al-Bukhari. Il faut faire des recherches pour voir si un autre qu'Al-Bukhari a rapporté la chaîne, pour voir l'authenticité ou non du hadith. Et Sheikh Al-Albani a authentifié le hadith. Hadith mawquf. C'est la parole de Ammar ibn Yasir. Il dit enfin, « Ô Allah, guide-nous à suivre la bonne voie, éloigne-nous des causes de perdition et de malheur, fais de ce mois-ci un mois de bien et de bénédiction pour nous, aide-nous à t'obéir, éloigne-nous des voies de la désobéissance, pardonne-nous, ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans, par ta miséricorde, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux, qu'Allah vante et préserve notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent avec excellence jusqu'au jour du jugement. Alhamdulillah.